quelques lignes plus bas, et tout était fini. Votre nom répondait, doucement l'ami. Je suis Escamillo, Morello de Grenado. Escamillo, c'est moi. Je connais votre nom, soyez le bienvenu. Mais vraiment, camarade, vous pouviez y rester. Je ne vous dis pas non, mais je suis amoureux, mon cher, à la folie. Et celui-là serait un pauvre compagnon qui, pour moi, ses amours ne risquerait sa vie. Celle que vous aimez est ici, juste moi. C'est une zingara, mon cher. Elle s'appelle Carmen. Carmen. Carmen. Oui, mon cher. Elle avait pour amant un soldat qui jadis a déserté pour elle. Carmen. Il s'adorait, mais c'est fini, je crois. Les amours de Carmen ne duraient pas 6 mois. Vous l'aimez cependant? Je l'aime. Vous l'aimez cependant? Je l'aime, oui, mon cher. Je l'aime. Je l'aime, la folie. Mais pour nous, je l'aimais, nos filles de bohème. Savez-vous bien qu'il faut payer? Soit opéra, soit opéra. Et que le prix se paie à coup de nez. À coup de nez. Apprenez-vous. Mon discours est très net. Ce déserteur, ce beau soldat qu'elle aime, ou du moins qu'elle aimait, c'est dans vous. Oui, c'est ma mère. Je suis la vie, mon cher. Je suis la vie, mon cher. Elle tourne. Mettez-nous en garde, veillez sur vous. Mettez-nous en garde, veillez sur vous. Tant pis pour les tardes, prenez les coups. Mettez-nous en garde, veillez sur vous. En garde, alors.